Nouveau tube Fun Radio. This is The Weeknd. Salut, c'est Daft Punk. Vous écoutez Fun Radio. Tous vos tubes préférés commencent sur Fun Radio. Any pain. My car if I kill any pain. Ce sont les offres Perfect Mood, des parfums à prix rond qui mettent tout de suite de bonne humeur. Venez vite les sentir ou commandez sur easyparisxl.be. Bienvenue sur Fun Radio, si vous venez de vous brancher dans moins de 5 minutes, c'est l'Happy Hour qui démarre. Avant ça, c'est l'heure de s'informer, c'est avec Carlo Morello que ça se passe. Bonjour Carlo. Hello Audrey, salut à tous. Ralph Amers, le big boss du groupe ING, est un homme heureux. Vendredi dernier, alors qu'il savait qu'il s'apprêtait à annoncer la suppression de 7000 emplois, dont plus de 3000 en Belgique, il a envoyé un mail interne pour annoncer très sérieusement que des choses excitantes, je cite, est en train de se passer. Je pourrais vous en dire plus ce lundi, ajoutait-il. Mais aujourd'hui, on sait ce qui excite ce monsieur. Un drame social, visiblement, ça le fait kiffer. Notez qu'il aurait tort de faire la gueule aussi, vu que son salaire, déjà élevé, a été augmenté de 30% l'an dernier. Faire des économies, d'accord, mais surtout pas sur son dos. Donc là, on parle bien du patron d'ING et non pas du CEO belge, Rick Vandenberg, qui est un petit peu embêté quand on lui demande d'expliquer ce dérapage verbal de son patron. Si ça a été mal pris, dit-il, je m'excuse à sa place, mais il comprend que la situation est difficile pour les travailleurs. Et sa forte augmentation de salaire n'a rien d'anormal si on sait qu'il a 50 000 personnes sous sa responsabilité. Fin de citation. Notez que bientôt, il en aura beaucoup moins. Donc, en toute logique, ce salaire devrait diminuer. Mais j'ai comme l'impression que ce ne sera pas le cas. Hein. J'ai pas une petite intuition comme ça. Pour revenir au CEO belge, il a également déclaré que cette situation pénible est voulue par la clientèle. En quête de toujours plus de robotisation. En d'autres mots, c'est pas la direction qui doit culpabiliser. C'est des clients sans cœur qui payent leurs factures par e-banking au lieu de se rendre au guichet des agences. On pense à la casse sociale qu'il provoque, hein, une casse sociale que le patron belge d'ING espère réduire au maximum sur les 3150 pertes d'emplois prévues dans les 5 ans. Il y aura en principe 1700 licenciements secs, mais on va négocier avec les syndicats pour que ce nombre puisse être revu à la baisse. Des cours de gymnastique mixtes obligatoires dans le secondaire, voilà ce que veut Isabelle Simonis, la ministre francophone en charge de l'égalité des chances. Un tel projet a été présenté au gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, où il devra être développé avec la ministre de l'Enseignement Marie Martins-Keynes. La ministre Simonis souligne que promouvoir la mixité est une des conditions de l'égalité entre les hommes et les femmes. En football, les gens de ma génération ont connu les phases finales de Coupe du Monde à 16 équipes, puis on est passé à 24, puis à 32, et voilà que Gianni Infantino, le nouveau président de la FIFA, qui avait en tête de porter le nombre de participants à 40, envisage aujourd'hui un tournoi à 48 équipes. Notez qu'il faut quand même saluer les efforts de ce patron qui cherche à recruter alors que d'autres virent à tour de bras. 48 participants, ça a surtout pour but de permettre à tous les continents d'envoyer plus de représentants au mondial. Mais attention, pas question non plus de faire disputer les phases de poule à autant de pays. Son idée, c'est plutôt que les 16 meilleurs se qualifient d'office pour la phase de poule et les 32 autres joueraient un match de barrage quelques jours avant le début de la compétition pour déterminer les 16 autres qualifiés. Fun. Fun Radio. Shoe Discount fête cette année ses 50 ans. Et c'est bon à savoir car il y a de super réductions sur une foule d'articles et des superbes prix à gagner. Ça, c'est bon à savoir. Et c'est le son d'une fleur de Black M que je vous cale pour la suite sur Fun Radio dans moins de 2 minutes. Ça sera juste après la météo, Carlo. Est-ce qu'il va faire beau demain ou pas? Il va faire ensoleillé. C'est déjà ça. Mais il va faire frais. D'accord. Donc, plus frais qu'aujourd'hui. Et ça va pas s'arranger dans les jours qui suivent, hein, évidemment. Après tout, nous sommes en octobre. Prochain rendez-vous info. Dans une heure, je vous laisse en compagnie d'Audrey. Moi, je suis au boulot. Lui, il est chez lui. C'est Black M. Salut. Fun Radio. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jetair devient TUI. Discover your smile. L'Happy Hour, 17h-20h sur Fun Radio. Tout le monde me regarde. À travers mon innocent, je pense qu'il me charme. Ma maîtresse d'école m'a dit que j'étais chez moi. Mais mon papa, lui, pourtant se met fidèle. Est-elle fidèle? La France est belle. Mais elle me regarde de haut comme la tour Eiffel, Eiffel. Mes parents m'ont pas mis au monde pour toucher les aides, les aides. J'ai vu que Marion m'a tweeté de quoi elle se mêle. Je sais qu'elle m'aime, je suis français. Ils veulent pas que Marion soit ma fiancée. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop français. Laisse-moi juste là. Je pensais pas que l'amour pouvait être un combat. À la base, je voulais juste lui rendre un hommage. Je suis tiraillé comme mon grand-père, ils le savent, c'est dommage. Jolie Marianne, Marianne. Je préfère ne rien voir comme Amadou et Mariam. Je t'invite à manger un bon mafet chez ma tata. Je sais qu'un jour tu me déclareras ta flamme. Aïe aïe aïe, je suis français. Juste l'invite. Je suis chez moi, chez moi, chez moi, chez moi. Je suis chez moi, chez moi, chez moi. Je suis chez moi, chez moi, chez moi. Je suis français, chez moi, chez moi. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée. Chez moi, chez moi. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop français. Chez moi, chez moi. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Chez moi, je vais l'ambiancer. Je suis français. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop français. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Je vais l'ambiancer. Je suis noir, je suis beurre, je suis jaune, je suis blanc. Je suis un être humain comme toi. Je suis chez moi. Fier d'être français d'origine guinéenne. Fier d'être le fils de Monsieur Diallo. Éternellement insatisfait. À suivre. La Pio World de Drey, hey yeah. Fun Radio, oh. La Pio World de Drey. 17h20, Happy Hour. C'est la Pio. Non mais attends, 17h09, j'ai l'impression qu'on commence l'émission en retard. On a gratté 10 minutes à la direction. 10 minutes en retard et on applaudit Sandro qui est arrivé en retard. Magnifique, magnifique tout ça. Bah oui, et bah c'est bien Sandro. J'emmerde les embouteillages de Bruxelles. J'habite maintenant à. Donc j'ai officiellement déménagé. Ah ça y est, monsieur a son appartement. Voilà. C'est le malin. Petit oiseau a pris son envol. Et voilà, exactement. Je suis à 20 minutes de la radio. Ouais. Et je me dis, bon, on va compter large. On est à Bruxelles, je pars à 16h. Donc 20 minutes, j'arriverai normalement vers. Vers oui, 16h20. Ouais. Il est nul en maths. Je suis arrivé à 17h04. C'est fou quoi. Donc si vous voulez insulter Sandro, c'est au 3044 que ça se passe. C'est à cause de lui qu'on commence l'émission plus tard. Il y a toute l'équipe qui est là. Heureusement, Fab est arrivé à l'heure. Moi je suis ponctuel. Moi, comme il se la pète. Chacun son truc. Il est arrivé depuis 9h lui. Il y a Kéké aussi et oui. Alison qui sont là. Coucou. Au standard. Ça va les amis? Ça va. Très bien. Ouais, bon, on attend vos petits appels. Hein. Comment ça se passe? C'est quoi le numéro du standard, Ali? 02 851 4x0. J'adore parce qu'Alison, on a l'impression qu'il est investi d'une mission quand je lui donne le numéro. 02 851 4x0. Donc ouais, si vous voulez faire plaisir à Alison, n'hésitez pas, appelez. Comme ça elle va avoir son petit moment de gloire, son petit moment potin. Voilà, elle va pouvoir s'amuser un petit peu. En tout cas, ça nous fait plaisir de vous retrouver dans l'émission. On est avec vous en direct hein, 17h10 là maintenant. Et on reste avec vous jusqu'à 20h, avec plein de trucs qui vont arriver. Il y aura un overboard qui va tomber dans l'émission aujourd'hui. Donc si ça vous dit de ne plus rien faire, de le ramasser. Ouais, de le ramasser. De le choper. Que, bah, c'est un peu tombe, ça. C'est un peu ça, parce que c'est un peu comme si on vous le filait gratuitement là sur Fun Radio. Hein. Est-ce que du coup je pourrais pas avoir un overboard pour essayer d'arriver à l'heure? Parce que tu vois, la voiture ça va pas. Overboard. Je pense qu'il faut que j'essaie l'overboard, c'est pas possible. Il y a des gens qui le font parfois, hein, il faut pas déconner. Hein. Bon, et sinon, parce que entre un qui arrive en retard et un autre qui me bassine les oreilles. Mais ça, je peux vous dire sincèrement, je suis au bord du craquage. Depuis tout à l'heure, le kéké du standard me dit: j'ai l'info people de la semaine, tu te rends pas compte, c'est l'événement, c'est machin. Et puis là, il me dit quoi? Le retour d'un groupe que je ne connais pas. Peut-être que vous le connaissez de l'autre côté de la radio, mais Kevin, est-ce que tu peux me répéter ce que tu n'arrêtes pas de me répéter depuis tout à l'heure? Ouais, bah après 45 ans, il y a les Poppies qui reviennent. Voilà. Les quoi? Donc les Poppies. Merci Sandro. C'est voilà, donc on personne est d'accord, ne connaît personne. Quoi. Moi, je crois que oui, bah alors je sais pas ce que c'est, une marionnette, un groupe de musique, c'est ça? Ouais, c'est tous des enfants qui chantent. Poppies. Ouais, mais c'est Poppies. Les choristes, ça existe déjà. Alors les Poppies, c'est ça en fait. Que j'avais demandé, c'est l'histoire d'un soleil que j'avais espéré, c'est l'histoire d'un amour que je croyais vivant, c'est l'histoire d'un beau jour que moi petit enfant je voulais très heureux pour toute la planète, je voulais, j'espérais que la paix. Mais petite question, si ça fait 45 ans, ils ont jamais vieilli les gosses? Ah je sais pas, ils ont quel âge du coup maintenant? C'est des adultes. Mais qui non, vont c'est revenir tous des nouveaux enfants. Ah d'accord, ils les ont pas signés, genre non c'est bon, on en veut des nouveaux. Bah alors c'est pas les mêmes qui reviennent. Mais non, c'est pas un retour. Non, c'est le groupe, donc c'est des enfants qui chantaient déjà. Mais attends, c'est nul. Imagine, c'est comme si tu reprends les par exemple les Backstreet Boys, ouais. Mais tu prends pas les vieux, tu prends des nouveaux. Tu vois, non, maintenant c'est eux les Backstreet Boys. Il y a la même chose en Flandre avec les quadrilles là, tel mais, Roméo, c'est pas les mêmes. Mais comme mais pourquoi Kevin? Mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Comment tu connais les quadrilles et les Poppies et les Attends, on va pas le blâmer, peut-être qu'il y a des auditeurs qui connaissent aussi. Donc si vous voulez soutenir Kevin, si vous aussi vous connaissez ce fameux groupe les Poppies, manifestez-vous, histoire qu'il soit plus tout seul dans la live. Ouais. 30-44 pour vos messages, 50 centimes l'envoi. Et on vous prend à l'antenne, c'est promis. Parce que franchement, vous faites une petite danse de la victoire si vous connaissez aussi les Poppies. Hein. Dans un instant, il y aura du Ariana Grande sur Fun Radio. Et alors, c'est une première en Belgique. On va être les premiers à vous le passer avant toutes les autres radios. Le tout nouveau Lost Frequencies. Il nous l'a envoyé tout à l'heure. On vous le passe dans le quart d'heure. C'est promis. Avant ça, c'est parti. C'est Sigala sur Fun Radio. Bienvenue tout le monde.

La suite du son des fleurs, c'est avec Pitbull que ça se passe maintenant sur Fun Radio avec Lunch Money. Ah, je rigole. Ah, je vois vos petits messages qui arrivent là au 3044 concernant l'info people du siècle de Keke le standardiste. Ouais. Attention, il est venu dans le bureau tout à l'heure, il m'a dit tu sais pas quoi, il y a les poppies qui reviennent après 45 ans. Je fais oui, mais sinon c'est qui? Alors j'adore parce qu'il y a quand même Johan qui m'a dit bande d'incultes que vous êtes, vous ne connaissez pas. Non, je rigole, en fait je crois que je suis le seul à me souvenir d'eux. Franchement, dans l'équipe, il y a personne qui connaît les poppies quoi. Mais il y a 45 ans, c'est déjà des gosses qui chantaient, c'est ça le concept? Ouais, c'est ça. C'était eux, regarde, écoute, vas-y, mets plus fort. Et hop. Et ça, c'est l'ancienne version. Ouais. Ah oui, mais ça, c'est qui chantait ça? Les Poppies. Aussi? Ouais. Mais ça me dit quelque chose. Je comprends plus rien, moi. Mais ça, c'est une chanson d'une vieille chanteuse, non? Sheila, non? Non, je suis pas sûre. Non, Sheila. C'est pas France Gall? Non, c'était les Poppies qui chantaient ça. Tout de suite, mais direct, ceux qui l'ont inventé. Bah oui. Ah, je suis pas sûre. Mais y a que moi qui trouve que ce nom est pourri, les Poppies. Ah ouais. On dirait de la bouffe pour chat. Mais non, c'est une chanson d'une vieille chanteuse, ça. Non, je te promets, c'est Sheila. Non, c'est France Gall. Mais non. Mais si, attends. Non, c'est une vieille chanteuse qui chantait ça, je suis sûre. Le titre date quand même de 1971, je dis ça, je dis rien. Ah, j'étais persuadée. France Gall, elle était pas née, si elle était née. Mais j'étais persuadée que c'était genre une chanteuse, pas un groupe. Attends, on a trouvé, je crois, The Auditeur, le seul de toute la planète, le seul qui écoute Fun Radio, qui connaît les Poppies. C'est Fabrice qui vient de Sambreville. Bonjour mon Fabrice. Salut. Ça va bien? Ouais, ça va. Fabrice, je peux te dire directement quelque chose, tu m'inquiètes. Parce que. Oui, mais en fait, non, c'est toi qui m'inquiète. Non, donc ça, c'est inquiétant. C'est vrai, mais non, mais attends, ah, parce oui, que oui, ça oui. veut dire que t'as les mêmes références que Keke du Standard, et là, ça me fait peur pour toi, Fabrice, oui, pour ton avenir. Lui, c'est non, quand même pas... mais je n'ai pas que ça comme référence, mais ça, normalement, tout le monde doit connaître. Ma fille, elle a 23 ans, elle connaît. Mais non, truc de fou. Mais t'as quel âge, toi, Fabrice? Moi, j'ai 45 ans. Bah oui, mais c'est un truc de vieux. Non, je rigole. Oui, je suis pas jeune. Je rigole, mon Fabrice. Non, mais sérieusement, moi, je suis pas. J'ai découvert un truc quoi, aujourd'hui. Moi, je pensais que c'était. Je sais pas, Sheila et l'autre mais qui chantait. C'est ça, quoi. Moi, ou alors c'est ma mère qui écoute ça à la maison, mais moi je connais pas. Ouais, mais attends, Fabrice, toi qui as connu le groupe du coup dans les départs, ça te fait pas bizarre qu'ils aient repris le même nom mais avec des autres chanteurs? Ah si, ça par contre je suis d'accord. Ah tu vois, c'est chelou quand même. Moi demain, rien à foutre. Bizarre, ouais. Et, demain, moi je prends Sandro, Fab et Keke et je fais les Bad Street Boys. Ah non, les 2B3 parce que c'est pas assez les Bad Street Boys. Non, mais t'es fou, on sera jamais faire une chorégraphie. Au niveau du groupe, ça c'est vrai. Mais ils ont fait quand même des chansons qui sont super connues. Quoi. Ah ouais? Ah parce qu'il y a pas que celle-là en plus. Oh bah merde. Ah bah non. J'adore. J'ai l'impression d'être avec mon grand-père à l'antenne. Et alors, papy, ils ont fait d'autres chansons vraiment chouettes? Vraiment chouettes. En fait, ils font que des chansons de paix. Donc, de je trouve paix. Qu'à l'époque, oui, c'est. De paix, de paix. De... pas de paix, hein. P-A-I. Mais non, oh, t'es con. Cool. Oh, j'ai pas compris. De paix. Mais de paix, P-A-I-X. Genre, ah, voilà. Bien, on fait la paix. Voilà. Ouais, d'accord. Et voilà. Est-ce que t'as trouvé une autre chanson, Sandro, juste pour qu'on se donne une idée de ce qu'ils chantaient les Poppies? Malheureusement, c'est sur YouTube et j'ai trouvé Isabelle, je t'aime, 1973. Vas-y, balance. Non, il y a Love, You Love, Amour. Aussi en 71. On s'était juré de ne jamais se séparer. Eh ben, ouais. Non, mais là, il a plus de moche. Hein. Mais toi, t'étais dans les scouts catholiques, c'est ça ou, Énorme. Qu'est-ce qu'il y a, Kiki? Mais moi, je connais ça parce que mes parents avaient acheté l'album quand j'étais tout petit. Il y avait mais arrête. Mais je vous plaît. Arrête de t'enfoncer, quoi. Le mec, il est tout fier, genre. Il y a quand même pas un clip d'eux en couleur. Ils sont toujours en noir et blanc sur YouTube. En tout cas, Fabrice, merci beaucoup d'être passé à l'antenne. Et puis, écoute, tu repars avec un titre. Le seul auditeur à connaître les Poppies. On l'a fini. Ok, bravo. Ouais. Bravo, Fabrice. Je te fais des gros bisous. Passe une bonne après-midi. Et quoi, c'est quoi? C'est aussi les Poppies? Ça aussi, c'est les Poppies, c'est Love, You, Boov, Amour. Uh-huh. 1970. Oui, c'est des enfants qui écrivent, hein. Ils écrivent pas très bien. Et tu sais quoi, Keke, je me suis dit, allez, parce que Keke, il termine bientôt son stage, et alors à un moment donné, je me suis dit, il va me manquer. Et puis en fait, non. Parce que quand tu fais des trucs comme ça, en fait, moi ça va. Moi aussi, je crois que j'allais être triste, mais non. Mais non, en fait, hein, c'est bon comme ça. Merci les amis. Toi d'ailleurs, fais pas trop le mal, hein, Fab, parce que j'ai du dossier sur toi dans un instant. Ah ouais? Le mec. Alors, tenez-vous bien, pour tous les auditeurs qui écoutent l'émission, restez bien là. Je pense que Fab a atteint un niveau d'excellence en termes de conneries avec sa meuf, mais que genre personne ne pourra atteindre. Je vais vous expliquer ce qu'il a osé faire. C'est énorme. Il est pas tout juste dans sa tête, le gars. Hein. Sérieusement. Restez bien à l'écoute de l'émission. Il y aura le son de Lost Frequencies dans un instant. Avant ça, c'est Pitbull qui débarque sur Fun. Bruno dans la radio. Ce matin, c'était ça. Vous avez un téléphone, vous pouvez être la victime de Vacher. Oui, bonjour madame, monsieur Vacher, je fais des blind tests par téléphone. Est-ce que vous pouvez baisser votre télé, s'il vous plaît? Je vous ai pas compris. Oui, c'est normal, c'est parce qu'il y a Nagui qui parle fort derrière et il faudrait baisser un peu le son. Comment? Vous êtes bien équipé en matériel

Et c'était le nouveau Lost Frequencies sur Fun Radio. On a été les premiers sur le coup en Belgique. Lost Frequencies qui sera bientôt l'invité là dans la Piawar. Restez bien branchés dans l'émission. La suite maintenant, c'est avec Rihanna et Drake que ça se passe. Et puis je vous ai calé un petit Alan Walker là pour la suite du son Dance Floor. Avant ça, je vous avais promis que j'allais afficher un petit peu Fab. Mais enfin, pourquoi je Mais parce que il faut quand même que. Parce que, bon, et les auditeurs, vous de l'autre côté de la radio, vous nous écoutez tous les jours. On est un peu comme une grande famille sur Fun Radio. Mais vous ne connaissez pas forcément tous vos cousins. Et ben Fab, c'est un peu le cousin que t'as pas envie de connaître, mais que je vais quand même vous décrire deux secondes. D'accord, okay. Pour que c'est vous fait. Compreniez comment cet individu fonctionne, je voudrais vous raconter ce qui s'est passé lors d'une soirée. On a été bouffé avec Fab, avec son amoureuse et tout. Excusez-moi, pourquoi j'ai pas été invité, Kevin? Ouais, parce non que t'étais occupé, tu fais ton overbooking tout le temps. Donc voilà, ouais, en gros, va, t'as qu'à arrêter de faire ton président. Donc on a été manger avec l'amoureuse de Fab et puis on discute, tu vois. Et alors le mec, Fab, il se la pète, il fait ouais, mais genre, mes relations d'avant et tout, je faisais des trucs de malade, hein, j'étais dans des montagnes russes et tout. Donc il compare ses relations avec des montagnes russe. Oh là là, et puis après, il regarde sa copine et il dit, parce que bon, maintenant, c'est un peu comme si j'étais dans un pédalo. Imaginez-vous ce que le gars osait dire à sa copine. Voilà. Alors, je tiens à dire que ça ne s'est pas passé du tout comme ça. Si. Mais ok, puisque tu veux qu'on parle de cette soirée, parlons de cette soirée. J'étais mangé avec Audrey et ma copine, et Audrey et son copain. Parce que elle nous avait invités, et je ne savais pas pourquoi, je me disais, on va passer un repas ensemble, ça va être chouette et tout. Non, Audrey avait une idée derrière la tête. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Audrey, ces derniers temps, elle est assez accro quand même à tout ce qui est sextoy, jeux sexuels. Bah. Depuis qu'elle sait que Fifty Shades of Grey 2 va sortir, elle tient plus. Bah, je teste des choses, c'est tout. Elle nous a invités pour faire des trucs à quatre. Non, ce que moi et ma copine poliment refusé. Ah, c'est pour ça que j'ai pas dit que je ne voulais pas. Après, la discussion a viré sextoys. Audrey dit, moi j'ai un armoire plein. Son copain dit, une armoire pleine. Tu rigoles, on en a trois des armoires. Mais t'es un J'en menteur. Peux plus, mais je t'es un sale menteur. Je peux pas dormir la nuit. Elle n'arrête pas. Attends, on a une carte. Non, si. Voilà, c'est le son de la vérité. C'est le son de la vérité qui se risque. Il a coupé aussi. On me censure, c'est pas bien. Son copain n'endort plus la nuit. Il dit, je passe des nuits dans la cave parce qu'elle est demandeuse et tout ça. Non, allez, attends, moi, j'ai dit que j'aimais pas les sextoys. Allez, deux secondes maintenant. Tu dis la vérité, tu dis aux auditeurs que c'était pas vrai. Alors, j'ai dit que j'aimais pas les sextoys. Et du dis coup, que c'était c'est pas ça vrai, que je disais. Fab. On avait essayé à allez, l'époque. Allez, dis la vérité. C'était pas vrai. Tu veux que je mente? Ouais, à la non, Belgique tu dises la vérité, c'est pas pour ça. Oui, c'est pas vrai, j'ai pas traité ma petite amie de pédalo. Si, je suis désolée. Non, mais franchement, à un moment donné, est-ce que vous aussi de l'autre côté de la radio, vous vous êtes permis de dire un truc horrible comme ça à votre copine ou votre copain ou à un truc qui vous a mis à un moment donné, je sais pas moi, dans l'embarras, mais t'imagines, tu peux pas comparer tes ex à des montagnes russes et puis tu regardes ta copine actuelle et tu lui dis t'es qu'un pédalo. Mais non, mec, ça se fait pas quoi, t'es vraiment un baraki des îles, hein, toi. Je trouve que c'est une belle insulte. Eh, sale pédalo là. Je crois que c'est interdit hein, dans certains pays. Non, mais franchement, est-ce que vous aussi vous êtes un peu comme du genre de Fab, à être un peu maladroit quoi? Si vous avez déjà dit un truc bizarre, allez-y. 3044 pour vos petits messages, 50 centimes l'envoi, histoire que Fab soit plus tout seul dans son monde. Il y aura le son de Rihanna et Drake maintenant dans un instant sur Fun. Et juste après, je vous ai calé un petit Alan Walker. Bienvenue sur Fun Radio. Tous les soirs dès 22h sur Fun Radio. C'est Before Party Fun. Ladies and gentlemen, 2 heures de mix avec les plus grands DJ belges au platine. Please welcome Tristan H, DJ Bass, Sir Leon, Magic Cut, Obsu, Flash, Maestro, Sacha DMB et Andy D. Venez faire la teuf du lundi au jeudi avec le son Dance Floor mixé de 22h à minuit. Before Party Fun. C'est sur Fun Radio, le son Dance Floor. Ce samedi, il y a eu plein de gagnants, mais le jackpot loto n'a pas été gagné. Ah, extra, s'il n'est pas gagné, il y a une petite blague. Alors attention, attention, qu'est-ce qu'un yaourt dans une forêt? Un yaourt nature. Ça, j'aime bien celle-là. Jouez donc au loto ce mercredi, il y a près de 2 millions d'euros à gagner. Eh ben dans ce cas, j'arrête mes blagues, idiote. Merci loto. La DH présente en exclusivité la collection La Passion du Rallye. Collectionnez de magnifiques reproductions exclusives de voitures de rallye. Des plus récentes aux modèles de légende. À l'échelle 1/43e. Le numéro 1, la Volkswagen Polo, championne du monde 2014 et son fascicule, actuellement en vente en librairie pour 2,99€ seulement. Une exclusivité DH. Tu as entre 17 et 29 ans? La sécurité routière te tient à cœur? Tu as envie de rejoindre l'équipe des Responsible Young Drivers? Tu désires participer à de nombreux événements pour changer les mentalités et au passage sauver des vies? Alors rejoins-nous vite sur ryd.be pour qu'on te présente toute l'équipe des bénévoles. Jérémy avait fait appel à l'Happy Hour. Il lui aurait sûrement trouvé une famille. En cas de problème, un seul numéro, celui de l'Happy Hour avec Audrey. 17h-20h sur Fun Radio.

mytho, je te jure, je te déteste. On a Candy qui est là, qui vient de Wands. Candy. Ah, attention, Candy. Petite musique. De Candy. Candy comme ça. Comme dans tous les pays. Petite musique, rien que pour toi, Candy. Les gros lourds, on est vraiment chiants en fait. Ça on a va dû lui faire mille fois. Candy, comment tu vas? Ça va, merci. Et vous? Je suppose qu'on ne te l'avait jamais faite celle-là. Ah si. Ah, dommage, merde. On pensait être premier sur le coup. On pas les premiers, les gars. Ah, non. Merci Cyril Hanouna, merci. Bah, c'est ça quoi. Bon, Candy, est-ce que t'as déjà dit quelque chose qui te mettait un petit peu mal à l'aise dans la life, que ce soit à ton mec ou quelqu'un d'autre? Oh, ouais, ça a été à mon mec en fait. Ah, parfait. Qu'est-ce que t'as dit? Bah, en fait, c'était au début, nous étions ensemble. Et donc il était parti travailler, il me fait un message pour me dire qu'il est sur le chemin du retour. Puis bon, après 3 heures, aucune nouvelle, j'essaie de téléphoner, pas de réponse. Ouais. Puis alors il décide de me ressonner lui-même. Et il me dit, écoute, on s'est arrêté avec des potes boire un pot. Il me dit, je suis chez Apu, je prends de la soupe, tu en veux? Je dis, c'est qui Apu? Je connais pas d'Apu. Je dis, écoute, non, tu rentres. Donc je commence à te m'énerver. Et quand il rentre, en fait, il était chez le Pakistanais. Parce que pour lui, Apu, c'est le Pakistanais. Donc en fait, je me suis énervée en disant, moi, ton Apu, je le connais pas. Et en fait, c'était le Pakistanais. Mais non. Donc j'étais très gênée. Mais pourquoi il l'appelle Apu? C'est comme quoi dans les Simpsons. Mais en fait, c'est de l'autre côté, Apu, comme dans les Simpsons. Ah, c'est ça. Mais oui, c'est voilà. Pas con. C'est lui qui tient le supermarché. Et je t'imagine bien Candy en train de t'énerver. Ah ouais, et c'est qui ce Apu? C'est un nom de code pour ta maîtresse, je suis au courant de tout. Ah ouais, c'est ça, non, j'étais mal. Je lui dis, Apu, moi je le connais pas, tu gardes ta soupe. Et en fait, non, il était chez le Pakistanais. Énorme, on applaudit Candy. Bravo, magnifique, bravo, Candy. Magnifique performance, tu m'impressionnes. Bah oui, j'étais très mal quand il est rentré. Il était avec sa soupe, mais qu'il avait payé. En plus, bah tu m'étonnes. Candy, merci beaucoup pour la petite anecdote. Tu reviens quand tu veux. Oui, pas de problème, merci. Bonne soirée à toi. Et ouais. Moi, dans le même genre, il y a un gars, une fois, il m'a dit un truc, mais je pense qu'il a été super mal à l'aise après. J'avais pris un peu de poids, tu vois, par rapport à avant, j'étais très mince, et puis j'ai grossi parce que j'ai fait que bouffer comme une grosse cochonne. Et à un moment donné, le gars, il vient près de moi, il me dit félicitations. Et alors, je dis, ok, mais pourquoi est-ce qu'il me félicite? Le gars est donc un peu mal à l'aise. Je lui dis, mais pourquoi? Eh ben, tu vas bientôt accoucher. Je dis, c'est une blague. Il a pas dit tu vas mettre bas? Non. Parce que t'avais pas assez grossi. Attends, mais t'imagines. Arrête. J'étais super mal à l'aise que le gars il me dise ça, franchement. Ça arrive à tout le monde hein, de dire des conneries parfois que tu regrettes après. On a Stéphane qui dit, moi je suis vigile dans un supermarché et j'ai vu un enfant dans le rayon, je suis allée le prendre par la main et en fait c'était un nain. Oh non. Mais comment c'est possible ça? Mais c'est énorme. Mais franchement, est-ce que vous aussi vous avez déjà fait des trucs du genre où ça vous a mis super mal à l'aise? 30-44 pour vos messages, 50 centimes l'envoi. On vous prend à l'antenne juste après le son d'Alan Walker sur Fun. Wait a second, let me catch my breath. Remind me how it feels to hear your voice. Your lips are moving, I can hear a thing. Living life as if we had a choice. Hello.

sont à la radio ce que Ribéry est à l'orthographe. Heureusement, ils sont pas là pour faire des dictées. Retrouvez toute l'équipe de l'Happy Hour du lundi au vendredi de 17h à 20h sur Fun Radio. So lover, which way have you moved? It's been a while since I've heard he's grooved. Cosmic love gave you something gold. So you wrap it all up and take it away. Suddenly it's all real, suddenly it's how you feel. You're free now, somehow. Suddenly it's all real. The unknown. What's left to do but to feel it all? You're alive now, to die is dust. Nothing less or something more. Something more. La suite du son d'Explore sur Fun Radio, c'est avec Alex Germis que ça se passe. C'est du belge. Ah, c'est bon ça. Sweet Afterglow qui arrive sur Fun Radio. Et avant de vous passer du Alex Germis là, on va appeler maintenant chez quelqu'un qui s'est inscrit et qui a envoyé Fun, F-U-N, par SMS au 6322 pour 1€ le message à la clé. Loverbird. Oh mon dieu, l'objet de tous les désirs. Celui qui va vous permettre d'aller à votre canapé jusqu'à la cuisine sans bouger votre petit popotin en posant vos deux petits pieds sur l'overboard et en. Oh, ça c'est cool quand même, non? Franchement, pour les paresseux, c'est le cadeau de fou, hein. À fond, et en plus tu peux l'employer pour des petits trucs sexuels. Ouais, ouais, ça y est. J'ai déjà testé. Oh non, oh non. Oh, Fab. Mais quoi, en équilibre ou quoi? Quoi? En équilibre ou quoi? Non, mais ça te permet de faire des allers-retours sans fatiguer. Ça me dégoûte. Mais au non, final, allez, c'est pas la vérité hein. Aux auditeurs, t'as vraiment testé? Oui, ça? Oui, oui. Ok, ce mec me fait de plus en plus peur. Au secours, help. Bon, on fait sonner maintenant chez quelqu'un qui a envoyé Fun, et puis si ça décroche, et eh ben c'est gagné. Et ça pue, hein. Troisième sonnerie. Est-ce, que quelqu'un, est-ce que quelqu'un est encore à l'écoute de l'émission? Oui, 30-44 pour vos messages, 50 centimes l'envoi. Non, mais à un moment donné, je me rassure aussi, moi, hein, tu vois. Allez, 17h58, ça décroche pas, quoi. C'est ouf, ça. Bienvenue. Non, non. Seriously, allez, quoi. De... Mais non, c'est bon, laisse tomber. Franchement, je donne tout pour vous filer des cadeaux et tout. Vous savez pas ce qu'on doit faire, nous, pour avoir des beaux cadeaux comme ça? Non, bah, du coup, ça a pas décroché. C'est à vous de jouer. Vous vous inscrivez maintenant. Fun par SMS au 6322. C'est ce qu'il faut envoyer. On refera un tirage. Je sors après les infos. Fun Radio. Fun. Maintenant chez Ici Paris XL, ce sont les offres Perfect Mood, des parfums à prix rond qui mettent tout de suite de bonne humeur. Venez vite les sentir ou commandez sur iciparisxl.be. Il est 18h sur Fun Radio, bon après-midi si vous venez de nous rejoindre. On va se faire le son d'Alex Germis comme promis. Il y aura aussi du Sound of Legends. Avant ça, il est l'heure de s'informer avec Carlo Morello. Bonsoir Carlo. Bonsoir Audrey, salut à tous. Quelques semaines des élections présidentielles aux États-Unis. Hillary Clinton a repris de l'avance sur Donald Trump dans les sondages. Une avance de 5 à 6 points. Et c'est là la conséquence de la mauvaise semaine passée par le candidat républicain. Avec d'abord un premier débat à la télé remporté par sa rivale. Bah ouais, il n'avait rien préparé, hein, confiant dans le fait que sa spontanéité allait pouvoir faire la différence. Grosse erreur. Ensuite, il s'est énervé sur Twitter contre une ancienne Miss Univers vénézuélienne. Et là, outre le fait qu'il ait tenu des propos sexistes, comme souvent, et surtout que ce monsieur s'intéresse à des sujets pas franchement essentiels pour la marche du monde, hein. C'est un petit peu comme si Charles Michel s'exprimait sur le braquage dont a été victime Kim Kardashian le jour où on apprend qu'ING vire plus de 3000 travailleurs en Belgique. Enfin, il y a eu les révélations selon lesquelles Trump aurait réussi à ne pas payer d'impôts fédéraux pendant 18 ans, et ça, ça ne va pas l'aider, évidemment. L'anus ne disparaîtra pas de sitôt. Voilà ce qu'on peut lire textuellement sur le site de la Libre. Voilà, en tout cas, une excellente nouvelle, hein, vu que ça va permettre au transit intestinal de se poursuivre convenablement jusqu'à son terme. Mais blague à part, vous aurez sans doute compris qu'on parle en fait de la nouvelle fresque géante apparue vendredi dernier sur un mur bruxellois au quai à la Houille, et non pas sur la haie de la... Bref, malgré l'accumulation du nombre de fresques hardcore dans les rues de Bruxelles, celles-ci ne seront pas retirées. Karine Lalieu, l'échevine de la propreté, a déclaré, je cite... Le collège reste sur sa position. Nous avons décidé de les laisser là où elles se trouvent. Fin de citation. Contrairement au pénis de Saint-Gilles, hein, qui doit être effacé. Et je dis bien pénis et pas phallus, comme je l'ai lu deux fois dans le soir. Un phallus étant toujours en érection, ce qui n'est pas le cas de la bistouquette dont on parle. Attention, Pasop, Actung, un méchant virus se répand via Facebook Messenger sous forme d'une vidéo. Écoutez ça, hein, sauf si vous n'avez pas de compte Facebook, là, profitez-en pour aller chercher à boire. Bref, un ami, soi-disant, vous envoie un message privé avec un simple lien. L'aperçu du lien contient votre nom suivi de vidéo et votre photo de profil. Et alors en dessous, il y a marqué XIC, donc XIC Graphics. Si vous cliquez sur le lien, vous arriverez sur une plateforme qui imite YouTube. Une fenêtre va s'ouvrir pour vous demander de télécharger une extension pour votre navigateur. Et c'est ça qu'il ne faut surtout pas faire, hein, sans quoi un virus sera installé et envoyé à tous vos amis Facebook. Les hackers pourront ainsi récupérer mot de passe, données bancaires, etc. Bref, pas cool du tout. Si vous n'avez rien compris à ce que je viens de dire et que vous vous retrouvez infecté, bah, faut désinstaller l'extension vite fait. Pour plus de détails sur ce qu'il convient de faire ou ne pas faire, allez sur Internet, hein, vous pensez bien qu'on en parle du virus en question. Fun. Fun Radio. Shoe Discount fête cette année ses 50 ans. Et c'est bon à savoir car il y a de super réductions sur une foule d'articles et des superbes prix à gagner. Ça, c'est bon à savoir. On va se faire le coup de pouce là dans un instant dans l'émission. Si vous avez besoin d'aide, bah, vous n'hésitez pas. Hein. Vous venez sur ma page Facebook Audrey, vous m'envoyez un petit message et puis nous on s'occupe de tout. On va essayer d'appeler quelqu'un aussi qui s'est inscrit pour essayer de repartir avec son hoverboard. Vous pouvez encore le faire. Hein. Vous envoyez maintenant Fun par SMS au 6322. On se fait un petit tirage au sort. Après, la météo et le son d'Alex Germis. Carlo, est-ce que demain il va faire beau ou non? Ben oui. Oui, bon, oui, c'est une bonne nouvelle. Oui, écoute. Ouais. Un peu frais, mais enfin bon, ensoleillé quoi. Parfait. Voilà. C'est une belle météo bien précise, bien, bien pointue. On se retrouve dans une heure, je vous laisse avec Audrey et le son d'Alex Germis. Salut. You make me smile. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jetair devient TUI. Discover your smile. L'Happy Hour sur Fun Radio. Du lundi au vendredi, 17h-20h. La seule émission qui te donne envie de rire, même s'il ne te reste qu'une seule dent en bouche. Fell so far. Hey, I know I have to get up on myself. I can find a way to hide all the dreams I fell so far away. So far away. Cause I won't fall apart. réveil, c'est bon ce qui arrive sur Fun Radio. Sound of Legends, Komodo, je vous cale pour la suite. On va se faire un souvenir aussi avec Pink. Et il y aura Dua Lipa dans un instant, ça sera juste après le coup de pouce. Fun Radio. À côté d'eux, les experts ont l'air ridicules. L'Happy Hour avec Audrey vous file un coup de pouce. Bah ouais, vous le savez, dans cette émission, globalement, on fait que les cons. C'est un peu notre activité number one, mais on est là aussi pour vous aider. Donc si vous avez besoin d'un truc, un problème, vous appelez l'Happy Hour. L'équipe, les gars, on est là. Peu importe le problème. We are a team. Ouais, vous êtes célibataire, on vous trouve un mec, on vous trouve une meuf. Vous devez partir ce soir, vous voulez qu'on garde vos gosses, on le fait. On fait tout dans cette émission. Vous venez sur ma page Facebook, Audrey, vous m'envoyez un petit message si vous avez un problème. Et puis hop, nous, on s'occupe. Enfin, je dis ça, je dis rien, mais nous laissez quand même pas vos gosses. Hein. Il y en a aucun de nous deux qui est quand même fait. C'est ça quoi. Bon, aujourd'hui, c'est Sébastien qui nous a envoyé un petit message qui vient de Mont-sur-Marchienne. Sébastien, il a besoin d'un petit coup de pouce. Bonjour Séba. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va. Sébastien, ça va. T'as l'air tout timide. Qu'est-ce qui se passe? Bon, on est en famille, hein, Sébastien. Arrête d'avoir peur, hein, t'inquiète pas, c'est les copains ici. Qu'est-ce que tu fais de beau, mon Sébastien? Mais ici, je mets la maison en couleur. Tu mets la maison en couleur? Oula, monsieur est en plein déménagement. En noir et blanc. Non, bah, justement, Sébastien, justement, il a besoin de nous parce qu'il est en plein déménagement et que t'as besoin d'un coup de main, plutôt un coup de bras, si on peut dire ça comme ça. Sébastien. Ah, c'est con, moi je suis pas là. Je serais bienvenu, mais. Attends, est-ce que tu peux expliquer vite fait, Sébastien, ce que t'as besoin, en gros? Donc voilà, je recherche comment 4 ou 5 hommes, plutôt 4 stars. Ouais. Parce que je vais déménager le 15 octobre, le samedi 15 octobre. Et t'as besoin de renfort. Et comme je vais faire appel à un lift, il faut que ça aille vite. D'accord. Oh bah ouais, mais tu m'étonnes. Il y a un piano à montrer au 7ème étage, par la cage d'escalier. Mais non. Non, c'est du 2ème. Et donc c'est la semaine du 15 octobre, hein, c'est ça Sébastien? Le samedi 15 octobre. Oui. Ah, le samedi 15 octobre, t'as besoin de 4 ou 5 gars bien baraqués, genre, et si vous êtes à l'écoute de l'émission et que vous avez du muscle, et ben c'est à vous qu'on parle. On a besoin de vous, oui, toi l'homme qui écoute Fun Radio et qui est gonflé à Mac, hein, et que quand tu mets une aiguille, ça fait pfff. Non, on cherche des hommes avec des vrais muscles, avec des phéromones, tu vois, genre que quand tu sens, tu fais waouh, ils sont le mal. Audrey, c'est pour le mec qui déménage, c'est pas pour toi. Hein. Non, mais justement, il faut quelqu'un de fort quand tu vois quelqu'un qui gère la situation. Samedi 15 octobre, si vous ne faites rien, si vous avez envie d'être cool et de rendre service, bah du coup à Sébastien, allez-y, vous m'envoyez un petit message au 3044. Par contre, attention, Audrey fait les présélections à la radio, hein, donc il y aura un petit toucher des pectos. J'ai eu peur de ce que t'allais dire. Non, mais tu sais quoi, Sébastien, moi je suis pas un homme, j'ai pas des gros muscles, et je viendrai t'aider le samedi 15 octobre. Non, fais pas ça, Sébastien, fais pas ça, parce que si t'as des trucs de valeur, elle va les casser. C'est comme elle veut. Non, et bien d'accord, on fait un truc, toute l'équipe va venir t'aider moi, le samedi 15 octobre. Non, moi j'ai toute gueule. L'équipe va venir le samedi 15 octobre pour t'aider à déménager. Alors, du coup, on cherche des auditeurs pour venir avec nous pour aider Sébastien. 3044 pour vos petits messages. Je suis sûre qu'il y a des auditeurs super sympas qui vont venir t'aider, mon Sébastien, et nous, toute l'équipe de la Power, et on sera là. Ça marche, Seb? Ça va, ça roule. Bon, hey, tu bouges pas, on va voir s'il y a des auditeurs super cool qui veulent venir t'aider. On va te reprendre à l'antenne juste après le son de Pink maintenant. Et puis, il y aura du Sound of Legends aussi sur Fun Radio. Bougez pas. Yo, funk doc, walk into the club acting rowdy. I'm hounding for the right girl to crown me. A little bit up, lift your shirt a bit up, the gentleman off, turn the temperature up, one blink, turn the world around, up just one drink, make you hurl it down. Who that there? We up here. You better like move back there, if you that scared, doctor, pink, let's happen to link. I'm in the cut, bleeding to death, harassing the freak, and back in the beat, happen to beat, rock, introducing, beat, yeah, the underground make it shake upstairs, women, throw that till they make up smears, Henny, in my cup, let's fire up, are you high or what? Get the party started on a Saturday night. Everybody's waiting for me to arrive. Sending out the message to all of my friends. We'll be looking flashy in my Mercedes Benz. I got lots of style, check my gold diamond ring. I can go for miles if you know what I mean. I'm coming up, so you better get this party started. Everybody jump, everybody stomp the floor. Drop voila, rock the house, yo. Pink Diggy, rock the house, yo. Funk Doc, rock the house, yo. Scream at your boy real loud. The party's starting. Yeah. Continue sur Fun Radio avec Dimitri Vegas et Like Mike, c'est Stay Wild qui arrive dans un instant. Il y a aussi du Dua Lipa, hein, c'est le tout nouveau rien que pour vous sur Fun Radio. Et puis je vous rappelle qu'on a du beau cadeau à vous offrir là toute cette semaine si vous voulez repartir avec votre hoverboard. Le cadeau que tout le monde a envie de choper, bah, c'est sur Fun Radio que ça se passe. On a essayé d'appeler tout à l'heure un auditeur qui n'a pas décroché. On a eu droit à un répondeur, donc du coup bah, c'est tout bon pour vous, ça veut dire que vous pouvez peut-être repartir avec. Comment il faut faire? Alors attention, vous concentrez, vous êtes peut-être sur la route, vous avez peut-être d'autres trucs à faire, on se met sur le côté, c'est quand même un super beau cadeau. Il faut envoyer juste un petit message, on se prend pas la tête là cette semaine, hein. Vous envoyez tout simplement FUN, F-U-N, par SMS au 6322 pour 1€ le message. Et on fait le tirage au sort dans 20 minutes, top chrono. Bah allez, la suite du son maintenant, c'est avec Dimitri Vegas et Like Mike, que ça se passe juste après le nouveau Dua Lipa sur FUN, bougez pas. Tous les soirs, dès 20h, branchez-vous sur Fun Radio. C'est Fun Radio Connected. Connected. Passez vos messages, vos coups de gueule. Ou venez délirer. Fun Radio Connected, 20h-22h, avec Dylan, c'est par SMS, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat ou au 02 851 4x0. Prix d'un appel local.

can't tame me, can't tame me. Tell me I have changed, but I'm the same me. Oh, same me. Mwah. If you don't like the way I talk, then why am I on your mind? If you don't like the way I rock, then finish your glass of wine. We fight and we argue, you'll still love me blind. If we don't fuck this whole thing up, guaranteed I can blow your mind. Mwah. And tonight I'm alive in a dollar sign, guaranteed I can blow your mind. Oh yeah, le nouveau Dua Lipa sur Fun Radio. La suite, c'est avec Felix Jane que ça se passe. Bonfire, il y aura aussi Jason Derulo et puis un petit Mike Perry. Tout ça, c'est ce qui arrive juste après le coup de pouce. Ils ont trouvé une voiture à Mimi Mati. Ils ont quelque chose. Une seule adresse, c'est le coup de pouce dans le pire. Mais ouais, vous venez sur ma page Facebook, Audrey, vous m'envoyez un petit message et puis c'est promis, on donne tout avec l'équipe pour essayer de vous aider. Alors on avait Sébastien qui est passé à l'antenne. Mon Seb, t'es toujours là? Oui, oui, tu l'as, pas de bon, alors, Sébastien, je rappelle vite là pour tous les auditeurs qui sont venus, qui viennent de nous rejoindre maintenant. En gros, tu déménages le samedi 15 octobre et t'as besoin de bras, de muscles pour venir t'aider parce que t'as un élévateur mais t'as pas les muscles. Donc, on voilà, a lancé un appel à l'antenne de Fun Radio. D'ailleurs, si vous êtes encore dispo le samedi 15 octobre et que vous voulez venir nous aider parce que toute l'équipe, on va venir chez toi et on va venir t'aider aussi. Hein, 30-44 pour vos messages. Alors, la bonne nouvelle, Sébastien, c'est qu'on a déjà Mehdi qui vient de Soigny, qui sera de la partie. Bonjour, mon Mehdi, ça va? Bonjour André, bonjour toute l'équipe. Il déménage déjà. Bah écoute, super Mehdi, hey, c'est cool, j'ai vu ton petit message là au 3044, c'est génial, tu seras dispo alors? Ouais, ça va, y'a pas de problème. Bon, t'es un amour. C'est ça. Ouais, c'est ça, c'est du côté de Mont-sur-Marchienne. Mais qu'est-ce que tu fais? Je déménage, je suis occupé pour les caisses. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais des travaux? Non, c'est Jésus qui est tombé, je le raccroche. Je suis brutier dans la carrière et je casse des cailloux. Ah, d'accord. D'accord, ok. Mehdi, il est sur tous les trucs. Non, mais c'est bon, je suis dispo, les copains. Eh bah, super. Mehdi, en tout cas, un grand merci, t'es un amour, quoi. De rien, y'a pas de problème. Eh, Sébastien, ça te fait plaisir? Ah oui, c'est cool ça. Bah, c'est cool. Et alors, attends, non seulement il y a Mehdi, mais alors j'ai pris les prénoms aussi des auditeurs qui ont envoyé des messages, mais il y a Geoffrey et Michael aussi qui seront de la partie. Ça t'en fait déjà 3, plus l'équipe, c'est bon, le compte est bon, hein, mon Sébastien. T'offres les pizzas et les shops. Super. Regarde-le, le gros lourd, Sébastien, il y a Fab qui veut savoir si tu offres une bière au moins en échange. Oui, il y aura des boissons, collation, et bon, il y aura peut-être de la bière sur la fin. Bah, voilà. T'as vu le monsieur, il veut pas qu'on picole pendant qu'on travaille. Eh, on me dit, je crois pas que toute l'équipe sera présente par SMS, mais tu vas voir. Par contre, il faut juste me trouver une salopette. Est-ce que quelqu'un peut me trouver une salopette? Qui est du standard? Moi, j'en ai pas chez moi. Non, mais tu vas en acheter une, pour moi. Il faut que je... Non, si, je rêverais de mettre une salopette bleue, comme les clichés. Prends la même taille que les mignons. Non, ah, oui. J'en ai un chez moi. Alors, bah, mignon. Parfait, bah, tu sais quoi, Sébastien, moi, le 15 octobre, je serai chez toi avec ma salopette mignon. Ça te fait plaisir? Ah, ça va. Ouais. Bah, parfait, on se donne tous rancard, du coup, le samedi 15 octobre chez toi. Gros bisous, mon Sébastien. Merci, hein. Merci à vous. Bisous, bisous. Eh, hey, regarde, il y a Jason aussi qui nous dit je suis déménageur si besoin, j'ai un lift. Bon, c'est cool ça. Attends, on va vous rappeler, hein, si vous y allez, je viens aussi. Bah, t'inquiète, on y sera, franchement, venez le samedi 15 octobre. On va tous aller aider Sébastien. Eh, franchement, c'est cool, je suis trop fière des auditeurs qu'on a sur Fun. Franchement, vous êtes des amours, quoi. Merci beaucoup pour lui, c'est vraiment trop cool. On va se faire le son de Jason Derulo dans un instant. Il y aura aussi du cadeau pour vous. On va essayer de rappeler quelqu'un qui s'est inscrit là pour repartir avec son overboard. Pour le choper, il faut envoyer Fun par SMS au 6322. Tirage au sort juste après le son de Felix Jane maintenant qui débarque sur Fun Radio. Bougez pas, on est avec vous jusqu'à 20h. I can hear the whispers around me, around me. Hurts, it hurts if I let all the poison in, if I let them win. Stronger, you make me stronger. I'm going.

il se la pète à la fin, Jason Derulo. La suite du son maintenant sur Fun, c'est avec Mike Ferry que ça se passe. The Ocean, il y aura aussi Maître Gims. J'ai tout donné, c'est son nouveau. Les stars, leurs aventures, leur vie. Le rêve, quoi. Le tout raconté par Fab, ses potins et popotins dans la Happy Hour. Bah ouais, on va tout savoir sur les potins pendant que Sandro se la pète parce que monsieur s'est sifflé. Hein, ouais, je siffle Fab. Non, c'est pas toi, c'est un bruit que t'as mis. Ah, c'est toi. Wow. Vous avez vu, on a des vraies compétences dans cette émission. Attention, Alison du standard, est-ce qu'elle s'est sifflée? Ah, mais pas du tout. Vas-y. J'ai jamais réussi. Allez, vas-y. Un jour, tu y arriveras. Vas-y. Vas-y. Mais siffle. Mais enfin, je vais pas siffler. Comment tu peux apprendre à quelqu'un à siffler? Tu vois, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil? Bon, tu mets la bouche en haut. En haut. Et puis tu souffles. Normalement, ça marche, quoi. Quoique, des fois, ça marche pas. Toi aussi, apprends à siffler. Non, mais par contre, si quelqu'un est à l'écoute de l'émission qui peut donner des conseils. Alors, bah, tu sais quoi, Alison, aujourd'hui, on va t'apprendre quelque chose. On va apprendre à Alison à siffler, d'accord? Si okay. Quelqu'un a des petits conseils, un vrai professionnel du sifflage, 3044 pour vos messages, et comme ça, on lui fait une petite leçon en direct sur Fun. Et ce soir plus tard, je t'apprendrai d'autres choses si tu veux. Non, ça va, merci. Un cours de flûte à bec privé. On va déjà commencer par siffler si tu veux bien, Sandro. Bon, Fab, tu m'as dit que t'avais de l'info de fou là sur les people. Je suis tombé sur un truc. Alors là, c'est du glauque. Ah, c'est du glauque. Ouais. C'est un couple qui s'est marié. Mmh. Bon, une jeune fille de 24 ans a rencontré l'amour avec un vieux millionnaire de 68 ans. Jusque-là. C'est normal, la femme est vénale, elle aime bien les sacs Louis Vuitton, donc il faut qu'elle trouve quelqu'un qui puisse lui en offrir. Jusque-là, rien d'anormal. Par contre, quelques mois après le mariage, ils ont feuilleté un album de famille et ils se sont rendus compte qu'au fait, le mari, c'était le grand-père de la fille en question. Oh, c'est une blague. C'est pas une blague. Mais attends, mais comment c'est possible ça? Bah, il s'est rendu compte qu'elle avait, tiens, t'as le même goût qu'une femme que j'ai connue il y a quelques temps. Non. Ils ont regardé. Alors, attends, je vais essayer de t'expliquer parce que ça se passe à Miami. Ça pourrait se passer dans le nord aussi. De la France ou du côté de Charleroi, mais c'est une histoire de chez Miami, de ouais. Miami. En gros, donc dans les albums de famille qu'ils ont feuilletés, la jeune fille a reconnu son papa. En disant, c'est possible, mon papa, machin, truc, tchic-tchac. Et au fait, le mari de 68 ans a eu un premier mariage avec qui il a eu des enfants. Mm-hmm. Mais comme il en a eu rien à foutre, il s'est barré. Ouais. Et les enfants ont grandi. Mm-hmm. Cet enfant a eu une fille. Ouais, j'essaie. Cette fille a décidé de tomber amoureuse d'un millionnaire. Mm-hmm. Et voilà. Oh, mais c'est dégueulasse, quoi. Imagine. Oh, non. Et non, je vais pas te dire ça vous est déjà arrivé, c'est tellement énorme que... Je peux t'appeler papy. Oh. Papy Chulo. Attends, on a Ludovic de Pironchon qui est là. Pironchon. Mais c'est où ça, Pironchon, Ludovic? Ludo. Sors de ta douche. Bonjour. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ce boucan, mec? Ah, je suis en train de travailler là. Ah ouais? Mais tu bosses dans quoi? Je suis à Timarcinelle. À Timarcinelle? Dans les usines? Carispontier. D'accord. Ah bah dis donc, hey, c'est cool, hey, ça bosse dur hein, là-bas. Bon, hey, Ludovic, t'as entendu l'info de Fab là sur la meuf qui s'est mariée? En fait, c'était son grand-père? Ouais, un petit peu. Et quoi, ça te dégoûte ou pas? Bah quand même, c'est dégueulasse quoi. Tu resterais marié avec toi si tu découvrais un truc comme ça? Est-ce que tu resterais marié avec ta femme si tu découvrais qu'au fait bah, c'est ta grand-mère ou ta tante ou ta cousine ou... Bah non, pas du tout. Bah oui, tu restes marié. Hein. Toi, tu le ferais toi? Ah bah écoute, non parce que j'ai aucune cousine qui est bonne et j'ai pas de soeur. Non mais attends, est-ce que... Non, c'est dégueulasse quoi. Bah oui c'est dégueulasse, attends mais c'est quoi genre la personne la plus âgée avec qui vous êtes sortie? Genre... Sortie? Je peux pas le dire. Oh non si vas-y Fab, je suis sûre du dossier. Attends, la femme la plus vieille avec qui il s'est passé quelque chose? J'ai été à son enterrement. C'est une blague? Quoi? C'est une blague. Non, c'est vrai. Non. Mais c'est pas drôle. Non, je te jure, c'est mais vrai. Attends. Juste après l'acte sexuel. Oh, elle avait quel âge? Oh, je crois qu'elle est morte à... Non, tu te l'es tapé quand elle avait quel âge? Pas longtemps avant la mort. Oh, non. Mais non, mais moi j'ai rencontré à la morgue au fait. Oh non, tu t'es tapé une morte. Mais non, j'ai pas fait une morte. Non, mais je sais jamais avec lui si c'est sur ma liste, mais j'ai pas encore eu l'occasion. Oh. Mais genre la plus vieille, vraiment. 67. Oh. Non, mais t'avais quel âge? Ah, je devais avoir 21. Oh. Et attendez, et je vais rajouter un truc encore plus glauque, c'est parce qu'elle m'a donné de l'argent.

Where do you wanna go? 'Cause if you're down, I'll take it slow. Make you lose control. Ils sont trois. Comme les To Be Free. En fait, non, attends, c'est un mauvais exemple. Ils sont trois. Et ben, c'est tout. Vous pourrez les retrouver tous les soirs de 17h à 20h sur Fun Radio. You can be my guiding light. Keep me company in the night. That's all I need. All I want is for you to stay a little longer now. With arms around me. Like a border, like the air I breathe. I let you in, keep me warm underneath my skin. 'Cause I'm giving in to your touch. I can never get enough. Diving deep into your ocean. Passez votre soir avec nous là sur Fun Radio, ça fait plaisir. Moi c'est Audrey, on fait les présentations de l'équipe qui vous accompagne tous les soirs sur Fun. Il y a Fab, présent. Sandro, et c'est moi. Et Alison et le kéké du standard aussi. La suite du son, c'est avec le nouveau Maître Gims que ça se passe. J'ai tout donné, c'est ce qui arrive sur Fun Radio. Et on a Christophe qui est là, qui vient de Villevorde. Bonjour mon cri-cri, comment ça va? Bonjour Audrey, bonjour toute l'équipe. Ça va? Eh ben t'as la patate mon Christophe, qu'est-ce que tu fais de beau là? J'étais chercher ma fille à l'école. Bon, quel beau papa, dit. Quel papa exemplaire. Bah, c'est un peu normal, hein, sinon. J'en connais qui les oublient. Hein. Bah, rigole pas. Hein. Je te jure, il y a plein de papas qui oublient leurs enfants, c'est une galère. Il faudrait faire une étude. C'est pas mon cas. Ah, bravo. Franchement, Christophe, on t'applaudit. Magnifique. Audrey, je sais que ta mère t'a souvent oublié à l'école, mais apparemment, c'était normal. Je vous laisse débarrasser de toi. Ah, ça n'a pas marché, la pauvre. Malheureusement. Non, sinon, je voudrais pas qu'on détourne l'attention de ce qu'on a appris quand même à l'antenne il y a 5 minutes sur Fun Radio, si vous voulez nous rejoindre. On a appris que Fab, un jour dans sa vie, mesdames et messieurs, a été gigolo. Ouais, et, bravo, ça, bravo. Et ça, merci. C'est beau. Juste gigolo, un soir, tu vois. Il s'est tapé une femme de 67 ans. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle l'a payé pour ça 250 boules pour passer une soirée avec mamie. Alors, franchement, Christophe, ça te dégoûte un peu, non? Ça me dégoûte, ouais. Ah bah voilà, bah merci, on n'est pas tout seul. Il y a Vincent qui me dit, mais trop mort de rire avec la femme de 67 ans, je suis écroulé. Bah tu m'étonnes. Moi aussi je suis écroulé, mais tellement je suis choqué. Pour une fois que c'est pas moi qui dois payer pour coucher. Bah oui, mais quand même, ça. J'étais content, non, moi. Quoi, s'il te plaît. Christophe, est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé de sortir avec une femme quand même assez âgée? Pas âgée, non, mais bon, la mienne, mon épouse a un an plus que moi, mais ça fait 20 ans qu'on se connaît. Ah, mais ça, c'est pas grave. Mais elle a quel âge, ton amoureuse? 45 ans. Oh oui, mais ça va, ça, mon cri-cri, ça c'est pas grave, ça. Non, mais imagine la performance de Fab quand même. Le gars avec quel âge, rappelle-nous, 21, c'est ça? 21, ouais. 21 ans et la meuf 67 ans. Je sais pas si t'imagines. C'est un peu plus du double. Est-ce que tu crois? Ça fait 46 ans. Attends, quand même. Moi j'ai une question technique. J'ai une question technique. Oui. Attention. Est-ce que tu peux faire des choses différentes avec mamie? Oh, il faut faire des choses plus lentes avec mamie. Ouais. Non, mais est-ce que. Bah, si tu vas trop vite, attends, Christophe, imagine. Tu peux retirer le dentier, par exemple. Oui, j'y ai pensé, mais c'était ses vrais dents, donc elle a un peu gueulé en me disant, mais qu'est-ce que tu fais? Non, mais tu lui as fait ça? Non, j'ai pas fait ça, je suis pas un monstre. Ça non plus. Me dégoûte, sérieusement, franchement. Et Christophe, tu verras plus Fab de la même manière, on est d'accord? Non, surtout j'avais déjà vu, donc. Ah, bah voilà, tu m'étonnes. C'est assez poussérieux à l'intérieur, je dois dire. Mais bon. Oh. Pardon? D'une vieille dame, il y a beaucoup de poussière, je dois dire. Oh, c'est dégueulasse. Mais t'as pas eu un moment donné, t'as pas eu peur de. À tout le monde la perdre? Bah ouais, du faire du mal, non. Quoi. Ouais, non. Pourquoi tu tombes? Non, réveille-toi. On allait doucement, et puis elle se tenait à son mais déambulateur. Mais à 67 ans, tu fais plus l'amour quand même. Si. 67 ans? Non, j'imagine pas mon père en train de faire des choses, en fait. J'ai pas très envie. Mais c'est normal. Pourquoi tu imaginerais ton père faire des trucs? Bah parce qu'il a sa avec femme. Oh non. Au secours. Bah là, ça va être plus cher, alors. Il y aura un supplément. Mon cri-cri, merci beaucoup d'être passé à l'antenne. Mais je t'en prie, Audrey, à très bientôt. Tu vas merci faire quoi ce soir, Christophe? Je vais manger une petite frite avec ma fille. Mon épouse est en formation en Hollande, donc toute la semaine. C'est ce qu'elle t'a dit, ça? Mais pas du tout en formation. Non, je rigole. Elle est partie manger des frites et ben, aussi. Bonne frite à tous les deux. Je vous fais des gros bisous. C'est bizarre. À très bientôt, gros bisous. Bisous. C'est bizarre de dire ça. Bonne frite, hein, allez. Il y a que dans les radios belges que tu peux entendre ça. Allez, bonne frite ici. Ça, quoi. Et regarde, il y a Johan qui nous dit au 3044, il est 19h et il a oublié 3h sa gosse. Hein? Johan, il a oublié. Oh! Oh oui, il est pas sa ferme à 16h! Mais non! Ah oui, quand tu vois même. Que les papas, ça oublie leurs enfants, ouais. Sérieusement. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ça de l'autre côté de la radio, d'oublier votre petit bout? Arrêtez de faire genre, vous êtes tous des papas géniaux. Hein. Alors, il y a un petit message qui vient d'arriver, j'hésite à le lire. Non, tu ne peux pas le lire. Avec une mamie, une pipe de velours, ça doit être bien quand même. Excusez-moi, mais j'étais obligée de le lire celui-là. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre sur Fun Radio. C'est la Happy Hour, la seule émission où il n'y a que des tarés dedans. La suite du son Dance Floor, c'est avec Maître Gims sur Fun. Ne me demande pas la lune, j'ai beaucoup mieux pour toi. Mais passe en loup parce que j'ai beaucoup pris sur ton regard brille pour moi. Ce que t'as dans la poitrine, c'est à moi. Ton regard brille pour moi. Ce que t'as dans la poitrine, c'est à moi. Allez, je t'ai tout donné, tout donné. Tout donné, tu es tout ce que j'ai, tout ce que j'ai, tout ce que j'ai, tout ce que j'ai. J'ai tout gardé en moi, je me suis donné tant de mal, je pourrais tout flamber pour toi. Pourtant je ne suis pas pyromane. Et tous les deux on foncera dans le mur. On va transformer la Ferrari en lambeau. Je suis flatté. Tu as demandé dans tes prières un garçon comme moi. Je suis choqué. Je m'imaginais sans cesse avoir un cœur indomptable. Et je me souviens de comment t'étais sapé ce soir-là. Et je sais que ton cœur est apaisé quand je suis là. Ne me demande pas la lune, j'ai beaucoup mieux pour toi. Mais passons-nous parce que j'ai beaucoup pris sur ton regard brille pour moi. Ce que t'as dans la poitrine, c'est à moi. Ton regard brille pour moi. Ce que t'as dans la poitrine, c'est à moi. Allez, je t'ai tout donné, tout donné, tout donné, tout donné. Tu es tout ce que j'ai, tout ce que j'ai, tout ce que j'ai, tout ce que j'ai. Laisse-moi devenir ton allié. maladie, ma guérison quand tu le décides. Mes nuits s'illuminent, j'en confonds le jour et la nuit. Hey, yeah. Ne me demande pas la lune, j'ai beaucoup mieux pour j'ai toi. Mais passons-nous parce que j'ai beaucoup pris ton regard vif pour moi. Ce que t'as dans la poitrine, c'est à moi. Ton regard vif pour moi. Ce que t'as dans la poitrine, c'est à moi. Allez, je t'ai tout donné. Chez Ici par XL, ce sont les offres Perfect Mood, des parfums à prix rond qui mettent tout de suite de bonne humeur. Venez vite les sentir ou commandez sur iciparxl.be. Vous êtes sur Fun Radio, bienvenue si vous venez de vous brancher, il est 19h, l'heure de s'informer. C'est avec Carlo Morello que ça se passe. Bonsoir Carlo. Hello Audrey, salut à tous. Dossier ING, l'opposition fédérale PS Écolo a demandé ce matin que la direction de la banque puisse être convoquée devant la commission de l'économie de la Chambre. Eh ben, ça va pas le faire. Le gouvernement a dit non. Pensez si les députés de l'opposition sont contents. Hein. D'autres qui ne le sont pas contents, ben, ce sont évidemment les travailleurs d'ING qui se demandent de quoi leur avenir sera fait. Et puis les clients aussi, ou en tout cas ceux qui vont voir leur agence disparaître. Le groupe ne devrait conserver que celle qui compte plus de 10 000 clients, donc les plus grosses, hein, les plus rentables. Mais il ne faut surtout pas que les gens se plaignent de ces fermetures, vu que c'est un petit peu de leur faute aussi. Le CEO d'ING en Belgique l'a dit ce matin, la situation actuelle est voulue par la clientèle en quête de toujours plus de robotisation. Eh ben, on s'en prend toujours la direction quand des licenciements massifs se produisent, mais c'est nous les coupables. Par exemple, on achète de plus en plus directement sur Internet. Résultat, il y a plein de commerces qui ferment. Pas facile après ça d'encore oser se regarder dans la glace. Tenez un autre exemple. Ericsson a annoncé aujourd'hui qu'il allait supprimer 3000 emplois. Eh bien, c'est de notre faute. C'est parce qu'on achète des produits de la concurrence. Alors forcément, les affaires du groupe suédois sont mauvaises et il doit virer en masse. L'équipementier télécom va réduire son personnel, surtout dans la production et l'administration, pour se concentrer sur les technologies d'avenir. C'est pourquoi il compte recruter 1000 nouveaux ingénieurs dans les 3 ans. Ah ouais, de quoi rappeler aux plus jeunes d'entre vous qu'il est devenu plus essentiel que jamais de faire des études. Il n'y a plus beaucoup de place dans ce monde pour les gens qui n'ont pas de diplôme. Je disais hier qu'en général, des prix Nobel scientifiques étaient attribués à 3 personnes, alors que le Nobel de médecine hier n'en a récompensé qu'une seule. Eh bien aujourd'hui, retour à la tradition, avec le prix de physique qu'ont reçu 3 Britanniques, dont la matière de prédilection, eh bien c'est la matière justement. Leur découverte, et là je cite la Fondation Nobel, a permis des avancées dans la compréhension théorique des mystères de la matière et créé de nouvelles perspectives pour le développement de matériaux innovants. Fin de citation. Enfin, aux États-Unis, écoutez ça, parce que c'est pas banal comme histoire. Aux États-Unis, donc, un retraité de 68 ans vient d'épouser une jeune fille de 24 ans rencontrée sur Internet. Faut quand même savoir que le monsieur est devenu millionnaire l'an dernier grâce à la loterie, hein. Ça rend les gens attrayants, quel que soit leur âge. Bref, papy épouse une jeune fille qui pourrait être sa petite fille pour découvrir, 3 mois après les noces, que c'est sa petite fille. Le sexagénaire avait perdu de vue son ex-femme et ses enfants depuis longtemps, mais en regardant dans un vieil album photo, la jeune épouse a reconnu son papa, qui était le fils de son nouveau mari. Vous imaginez le choc que ça a dû être. Moralité, vaut toujours mieux se marier avec des gens de sa génération. Quoique, notez que ça pourrait être votre frère ou votre sœur, donc je recommence. Moralité, vive le célibat. Fun. Fun Radio. Shoe Discount fête cette année ses 50 ans. Et c'est bon à savoir, car il y a de super réductions sur une foule d'articles et des superbes prix à gagner. Ça, c'est bon à savoir. Après le son de Parakeet sur Fun Radio, on va savoir qui va repartir avec son overboard. Vous voulez choper le beau cadeau? Bah allez-y, vous vous inscrivez. Vous envoyez maintenant Fun, F-U-N, par SMS au 6322. On se fait le tirage au sort juste après la météo, Carlo? Demain, les températures ne seront plus comprises qu'entre 12 et 16 degrés. Après tout, nous sommes en octobre, c'est un petit peu normal aussi. C'est-à-dire, nous nous consolerons avec le soleil qui devrait briller à peu près toute la journée. Voilà, tous une excellente soirée. Je vous retrouve demain matin à 5h30. Et vous laisse en compagnie d'Audrey et du son de Parakeet. Salut. Fun Radio. Fun Radio. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jetair devient TUI. Discover your smile. L'Happy Hour avec Audrey, du lundi au vendredi, 17h-20h sur Fun Radio. About to land, after years of joy, life was a fairy tale that you've destroyed. I feel the ground, hard to walk again. You told me how to fly, you drove my hand. Save me, save me. Radio, la suite du son, c'est avec Sia que ça se passe. Il y aura aussi du Hardwell et puis dans le prochain quart d'heure, le tout nouveau Willy William. Rien que pour vous sur Fun, c'est Qui tu es qui arrive sur Fun Radio. Avant ça, je vous avais promis. Oh. Alors, je me suis dit quand j'ai vu le titre Qui tu es que. Alors, je me demandais qui allait faire cette vanne de merde en premier. T'as bien vu que moi je l'ai pas fait. Et ben, globalement, je pensais que ça allait être toi, Fab. Et ben, Sandro, comme quoi tu peux me surprendre. Pas toujours dans le bon sens, mais. Mais je sais que t'aimes bien que il je tente des choses, le petit, on l'applaudit. Bravo, bravo. Merci, merci. C'est bien, merci le public. Bientôt à Forêt Nationale en 2017. Ouais, laisse tomber, laisse dans tomber. Dans tous les Lidl. Allez, on va plutôt faire sonner maintenant chez quelqu'un qui a envoyé Fun par SMS au 6322 et qui, du coup, bah, voudra bien repartir avec l'Overboard. C'est le cadeau qu'on vous file là toute la semaine. Si ça décroche, à lui, le cadeau que tout le monde veut choper. L'Overboard. Ah, mon Dieu, rien que le nom fait rêver, je trouve, tu vois. T'as l'impression d'être un sportif quand tu dis Overboard, non? Ça va quand même augmenter le nombre des obèses en Belgique. Allô? Oui. Allô? Allô? Allô? Allô? Oui. Allô? Allô? Allô? Oui. Quelle blague oui. de merde. Allô. Bah oui, bah c'est qui est là? Mais Daniel. Mais Daniel, tu sais qui c'est qui t'appelle? Oui, bien sûr, je vous écoute depuis tantôt et je me marre hein, avec vous ce soir. Pourtant, c'est pas drôle ici, on se marre pas du tout. Hey, Daniel, nous, on fait pas des trucs drôles, hein, c'est notre vie, hein, tu te moques de nous, c'est pas sympa. Daniel, t'as joué pour repartir avec ton Overboard. Non? Oui, tout à fait. T'as pas l'air sûr. Oui. Ah ah. Bah Daniel. Oui. C'est gagné. Ouais. Bravo. Ouais. Ouais. Merci Audrey, merci Kikem, merci tout le monde. Je vous adore. Oh, elle est toute mignonne. Ma Danielle, c'est pour qui? C'est pour qui le cadeau? C'est pour mon petit-fils, Mathias. Oh, trop mignon. Il y en a fait cet été à la mer, à la panne. Et puis, il adorait ça. On était toujours devant à regarder. Il faisait des tours sans arrêt. Et oh, voilà. Génial. Je suis contente pour lui. Ah, bah, ça va lui c'est faire super. Plaisir à ton petit-fils, alors. Eh ben, ah, oui. Danielle, je suis contente de te faire plaisir, en tout cas. Tu restes bien à l'écoute de l'émission, hein, d'accord? Ah oui, je vous écoute. Hein. Super, je te fais des gros bisous, ma Danielle. En plus, c'est Danielle. Ben, elle a raison, vas-y, Danielle. Vas-y, voir. Vas-y. Oh non, mais c'est bon. Attends, il y a Fab qui se fait, qui se fait chauffer. Pour boire un verre. D'accord, gang bang alors. D'accord, je prépare la bouteille. Hein, non. Je ne veux pas savoir ma fille. Non, je prépare la bouteille, je ne mets plus d'olive. Énorme. Danielle, je te fais des gros bisous. Oui. Éclate. Raccroche grand pas. Bisous, hein. Oui. Raccroche pas, on prend tes coordonnées en antenne. Elle est énorme en fait, Danielle. Elle vient quand même de nous proposer de faire un gangbang avec des bouteilles d'alcool. C'est oui. Non, mais une mamie de 63 ans, moi je commence à m'inquiéter. Sérieusement, est-ce que toutes les mamies sont comme ça? Votre mamie, elle est plutôt gâteau ou plutôt, comment dire, vieille soupe dans les vieilles casseroles? 30-44 pour vos messages, 50 centimes l'envoi. Non, moi je me pose des questions sur les mamies de 2016. Hein. Ça rigole plus, les gars. Hein. Mamie dance floor. Ouais, bah, y a pas que dance floor en tout cas. On va sur le son de Sia juste après Sardouel. Bougez pas. Running out of breath, but I got stamina. Oh, running out, I close my eyes, but I got stamina. And I see another mountain to climb, but I got stamina. Oh, I need another lover in mine, cause I got stamina. Don't give up, I won't give up. Don't give up, no, no, no. Don't give up, I won't give up. Don't give up, no, no, no. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jeter devient TUI. Discover your smile. Hey, I am the truth. Hey, I am the wisdom of the fallen. I'm the youth. I am the greatest, ay, this is the proof, ay. I work hard, pray hard, pay dues, ay. I transform with pressure, I'm hands on with effort. I fell twice before, my bounce back was special. Let downs will get you, and the critics will test you. But the strongest survive, another scar may bless you. Don't give up, nah, no. I won't give up, nah, no. Don't give up, no, no, no, nah. Don't give up, I won't give up, don't give up. Oh, Sur Fun Radio, merci d'être là. 19h16, on est en direct, on reste avec vous, on s'occupe de tout jusqu'à 20h, c'est promis, avec le son de Jonas Blue qui arrive, c'est Perfect Stronger sur Fun. Il y aura aussi du Willy William dans un instant, mais d'abord... Il y a des gens dans la vie qui font des choses utiles. Ah, merci beaucoup. Et puis, il y a lui, Fab. Il s'amuse à faire des tops qui servent à rien. C'est le top 3 sur Fun Radio. Eh ben, je trouve que c'est parfaitement décrit. Un top 3, c'est un truc qui ne sert pas à grand-chose, mais en soi, quand même, ça fait plaisir de l'entendre. Aujourd'hui, Fab vous a préparé un petit top 3 spécial. Est-ce que votre maman vous aime bien? En gros, votre maman vous aime pas, quoi. Voilà. Voilà, en gros, c'est ça. Parce qu'une maman, c'est ce qu'on a de plus précieux. Et c'est censé être la personne qui t'aime le plus. Sauf que parfois, il y a des signes qui montrent que ta maman, ben, elle t'aime pas forcément. Numéro 3. Oui. Votre maman vous a appelé Jean Bruce Lee. Ça répond à votre question. Quand tu t'appelles comme ça, à part voir des carapils toute la journée et rester chez toi, tu peux rien faire d'autre dans la vie. C'est comme les filles qui s'appellent Allison ou Shaina et qui veulent faire autre chose que ce petit jeu. on a une Allison hein, dans l'équipe. Oui, je sais, c'est pas du tout visé. Mais enfin, c'est parti de deuxième. La première fois qu'elle vous a adressé la parole, vous aviez 9 ans. Alors selon elle, elle était fort occupée. Elle se souvenait plus de votre prénom. Elle avait des choses plus importantes à faire. Bon, ok. Mais prends Geneviève l'ermite. Même si c'était pas la mère de l'année, avant de congeler ses enfants, elle aurait quand même parlé un petit peu. Maman a dit qu'avant de rentrer dans le congélateur, on mettait son pull. Oh non. C'est dégoûtant. Attention, la première raison qui fait que votre maman ne vous aime pas. Bah, elle insiste pour que tu changes de look. Elle te verrait bien avec le look hipster. Elle veut absolument t'envoyer en vacances pour que tu t'ouvres à d'autres cultures. Alors moi, je suis pas certain. Mais t'es obligé à te laisser pousser la barre pour t'envoyer 6 mois en Syrie. Je crois que ça veut dire casse-toi, je t'aime pas. Non, c'est dégueulasse, heureusement. Vous voyez ce que je vous dis quand je vous dis que le top 3, ça sert pas à grand chose, sérieusement. Allez, dans un instant, on va se faire le jeu du magicien. Il y aura du cadeau à la clé. Hein. Venez jouer avec nous, vous envoyez magie par SMS au 3044. La suite du son, c'est avec Jonas Blue, ça se passe juste après. Il y aura le nouveau Willy William et c'est rien que pour vous dans la Happy Hour. Bruno dans la radio. Ce matin, c'était ça. Allô, Noan. Allô. Est-ce que tu sais qui je suis? Oui, c'est Bruno Guillon. Ne sois pas bête et finis ton assiette. Noan. Quoi? Manger, c'est important, ça va te permettre de bien grandir. Ouais. Pendant un mois, oui. Tu manges midi et soir toute ton assiette sans recracher, sans vomir. D'accord. Et en échange, Noan, je t'offre une PlayStation 4. Bruno dans la radio. Reviens demain sur Fun Radio. Le plus impatient des réseaux présents. Ah, attends. Quoi? Bah, en fait, il y a une autre pub d'abord. Qui livre vos vins préférés partout en Belgique? CoraWine.be. Oui. Un choix comme ça, c'est chez Cora. Ou sur CoraWine.be. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Dès mercredi, ce sont des jours fous chez MediaMart. Ils deviennent complètement dingues. Achetez un PC portable et vous pourriez avoir la chance de faire partie des 300 gagnants à être intégralement remboursé. C'est totalement dément. Conditions dans nos magasins et sur MediaMarkt.be. MediaMarkt, je ne suis pas fou. Le plus impatient des réseaux présents. Attends encore.

Sur Fun Radio. La suite, c'est avec Martin Garrix. C'est ça. Que ça se passe. Il y aura aussi Tal, le temps qu'il faut, ça arrive juste après ça. Le magicien. Voilà. Le jeu du magicien dans l'Happy Hour avec Audrey. 17h-20h sur Fun Radio. T'as eu peur, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez changé les jingles de moi? Eh oui. Eh, la meuf qui a peur de son propre jingle, quoi, tu vois. Mais t'as entendu la voix du gars, sérieux, tu peux pas le remettre deux secondes? Eh, soyez bien concentrés sur la voix du gars qui dit le jeu du magicien. Franchement, ça fait vraiment, mais genre super peur, quoi. Le gars, il est vénère. Ah, excusez-moi, la machine plante, ça, ah, arrive. Bah, allez, ça arrive. Madame. Ah, voilà, c'est ah, bon. Bah, voilà, écoutez. Le magicien. Le jeu du magicien dans l'Happy Hour avec Audrey. 17h-20h sur Fun Radio. Ah, bah, franchement, ça pourrait être un film d'horreur, quoi, le gars. Ça fait vraiment très peur. Il est chaud, un film d'horreur. Non, mais, bon, on a Anastasia qui est là, qui vient de Charleroi, qui va jouer au jeu du magicien. Bonjour, Anastasia. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, merci. C'est quoi le programme ce soir, Anastasia? Qu'est-ce que tu fais de beau? Bon, rien de spécial, demain c'est l'école, donc ouais, on calme m'étonnes. À la maison. T'as quel âge, Anastasia? 21 ans. Ah ouais, tu es étudiante en quoi? En immobilier à la haute école à Charleroi. Wow, wow. Tu vas gagner du fric, toi. Tu vas devenir une arnaqueuse. Non, je rigole. Non, je serai honnête. C'est ce qu'ils disent tous au début, mais bon, après, bon, laisse tomber. Anastasia, on rigole. On va se faire le jeu du magicien. Le principe est simple. Le magicien a une bille. Tu vas devoir essayer de deviner si sa bille. Le magicien, il a deux billes. Hein, tu vas devoir essayer de deviner si la bille du magicien est à gauche, au milieu ou à droite. D'accord, Anastasia? D'accord. Bah, ça va aller très vite. Hein. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Bon, Anastasia, écoute, on va faire ça en une étape. Concentre-toi, je vais essayer de ne pas t'anesthésier. Tu as compris le jeu de mots? Je suis trop fort, je m'applaudis, attends. Voilà, c'est parti. Bon, là, je t'achète la bille, elle est, une des billes, elle est au milieu. Alors, concentre-toi, je fais un déplacement à gauche, deux à droite, un à gauche, un à droite, deux à gauche, un à droite, un à gauche, deux à droite, un à gauche, un à droite, un à gauche, un à gauche, un à droite, un à droite, deux à gauche, un à droite, un à droite, deux à gauche, un à droite, un à gauche, un à gauche, un à droite, un à gauche. Après, je m'arrête, dis-moi, où est-ce qu'elle est la bille? Alors, à ton avis, est-ce qu'elle est à gauche, est-ce qu'elle est au milieu ou est-ce qu'elle est à droite? Honnêtement, j'ai pas bien compris, je vais dire à gauche. Je sais pas, pas ouais, chier, je... bah chier, elle est à gauche. Ouais ouais. Mais c'est énorme! Il me fait niquer à chaque fois! Anastasia, bravo! Tu repars avec du cadeau. J'ai même pas compris que j'avais gagné. Hein. Ah bah merci. Écoute, voilà, bonne nouvelle! Tu raccroches pas, Anastasia, on va prendre tes coordonnées aux antennes et tu repars avec du cadeau Fun Radio, d'accord? D'accord, merci beaucoup! Plein de bisous, Anastasia, mais vous êtes vraiment mauvais quand même, le magicien là! Je peux pas me tutoyer maintenant, ça fait deux ans de travail en chambre. Appelle-moi tu! Non mais t'es mauvais quoi! J'essaie! D'accord, ok, non mais pas de problème! Si vous aussi vous voulez jouer avec nous de temps en temps, bah c'est simple, hein, il suffit de rester branché dans la POA. Le jeu du magicien, c'est de temps en temps. C'est pas quand, mais c'est de temps en temps. C'est quoi, il apparaît? Et ça c'est cool. Et bah voilà, c'est de la magie, c'est du spectacle. Bon, dans un instant, il y aura le son de Tal sur Fun Radio. Il y aura aussi plein de conneries, le dis-moi pas que c'est pas vrai. Mais avant ça, c'est parti, Martin Garrix, c'est ce que je vous cale côté son dance floor. Welcome. This was only gonna hurt if I warned you that the fire's gonna burn. Would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love. Would you let me lead you even when you're blind? In the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side, would you call in the name of love? In the name. We could bathe in all the lights, would you rise up? Come and meet me in the sky. Would you trust me when you're jumping from the heights? Would you fall in the name of love? When there's madness, when there's poison in your head, when the sadness leaves you broken in your bed, I will hold you in the depths of your despair. But it's all testify, screaming the holy light. You bring me back to life, and it's all in the name of love. I wanna testify, screaming the holy. Qui débarque sur Fun Radio avec le temps qu'il faut sur Fun Radio à Zouk Zouk. Elle est vachement mignonne de Tala. C'est ce qui arrive juste après le Dis-moi pas que c'est pas vrai. Dis allez Dis-moi pas que c'est pas vrai. Bah, okay. Toutes ces questions que vous vous posez depuis tout petit sans jamais avoir de réponse, grâce au Dis-moi pas que c'est pas vrai, c'est fini. Et il y a plein de questions qu'on se pose parfois où t'as pas la réponse et ça te mine toute la journée. Tu fais bah comment je vais faire pour passer une journée sans y penser. Non, ça vous arrive jamais? Si, tous les jours, c'est l'histoire de ma vie. Parce que moi j'étais à fond dedans, je vois Fab qui me regarde en mode ok, mais qu'est-ce qu'elle fait encore? C'est vraiment bizarre cette fille, vraiment, je sais pas pourquoi j'ai accepté de bosser avec elle. Non, mais vraiment, ça va pas être possible quoi. On va arrêter là, hein, d'accord? C'est un peu comme un couple, à un moment donné, il faut stopper quoi. Tu me quittes? Ouais. À l'antenne, devant tout le monde? C'est fini. Il y a un moment donné, il faut arrêter. Ne me retiens pas. Non, ne me retiens pas. D'accord, mais vas-y alors. On va continuer l'émission avec toi, Sandro. Ouais. Attention, grande question dans le Dis-moi pas que c'est pas vrai. Aujourd'hui, je vais vous poser une colle et vous jouez aussi de l'autre côté de la radio. 3044 pour vos messages. Celui qui trouve la réponse à ma question repart avec du cadeau Fun Radio. La question est celle-ci. D'où vient l'expression avoir de la veine? Toi, le matin, tu te lèves et tu dis, je vais les faire chier, je sais pas comment, je vais trouver des trucs, c'est ça? Non, mais il y a une vraie explication, il y a une vraie origine derrière cette question. Avoir de la veine, pour ceux qui savent pas, ça veut dire avoir de la chance, un peu comme ça. Donc, d'où ça vient? Moi, je sais. C'est l'infirmière qui a passé 6 ans à essayer de faire une prise de sang Maggie de bloc. Oh non, c'est chiant, ça fait un petit méchant. Sandro, à ton avis, ça vient d'où? De Loana, moi je dirais de Loana. Pourquoi Loana? Bah genre avec ses 54 tentatives de suicide, non? Tu vois? Mais comme elle a plein de veines. Excusez-moi, mais est-ce vous êtes les veines? Mais moi je pose une vraie question, je demande des vraies réponses. Je vais me tourner vers quelqu'un d'intelligent, la seule qui a un cerveau dans cette équipe, Alison du Standard. À ton avis, pourquoi, d'où vient l'expression avoir de la veine? Eh ben moi je pense que ça vient de Veni Vidi Vici. Tu vois, Jules César, parce qu'il a gagné. Mais si, non, c'est vrai. Parce que comme il a gagné toutes ses batailles, c'est une phrase qu'il disait quand il gagnait. Oui, d'accord. Tu vois, Veni, il avait Vidi, de la Vici. Chance parce qu'il gagnait. T'es sûr que ça veut dire ça? Et mais tu sais quoi? Franchement, tu m'impressionnes rien que parce que moi je pourrais pas leur dire la phrase. Oui, bah rajoute-moi 2 grandes frites et un. Attends, répète la phrase. Veni, vidi, vici. Veni, vidi, vici. Voilà. Un truc en chi. Je suis venue, j'ai vu, j'ai vaincu. D'accord. Ok, non mais alors, ouais, c'est ça, laisse tomber. Kéké du Standard. Ça vient pas l'espagnol? Vene, vene, amigo. Non, c'est ça? Ça vient de l'espagnol. Vene. Mais vene. Véné. De la veine, avoir de la veine. Quand tu ouais. disais ah, viens, venez, venez, amigo. Ah, il y a la chance, quoi. Ah, ça vrai, quoi, à son pote. En plus, il est convaincu quand même. Bah oui. On peut dire que c'est ça pour lui faire plaisir. Mais non. Il est tout mais content. Si c'est ça. Il va pleurer, je lui dis, il va pleurer. Sérieux, on dit que c'est ça, il est content. Non, il dort on dit bien. Pas que c'est non, ça. Allez, vous m'énervez. Moi, j'ai trouvé une question. Moi, je veux une réponse, une vraie. Bon, du coup, je vais me tourner vers les auditeurs puisque l'équipe est incapable de réfléchir deux minutes. À votre avis, d'où vient l'expression avoir de la veine? Si vous avez la bonne réponse, moi, en échange, je vous file du cadeau Fun Radio. Sérieux, il y a une explication vraiment très sérieuse là-dedans. Et on va apprendre un truc sur Fun Radio. C'est cool, vous allez rentrer ce soir chez vous, vous allez vous la péter. Eh, hey, c'est pas quoi? Et bah bam, voilà. Donc par contre, il me faut la réponse pour ça. 3044 pour vos messages et pour bah pendant ce temps-là, on se fétale. Voilà, le temps qu'il faut sur Fun, bienvenue. Everybody's always in a hurry. Les yeux perdus à nos écrans noirs. Les jours s'emballent, s'écoulent à mille à l'heure. Au ciel des nuages embrument nos espoirs. On ne voit plus tomber le soir. Cœur isolé dans nos villes, coule le temps de nos mains malhabiles. Toutes ces secondes qui filent, la vie qui nous prend là dans ses filets. Prenons le temps qu'il faut, tout se ralentit, on commence à souffler. Prenons le temps qu'il faut, yeah. We don't need to run, run, run, run, run. When the problems come, when they come, they will come. We can overcome, come, come, come, come, yeah. We don't need to run, run, run, run, run. Life can be so fun, make it fun, make it fun. We can overcome, come, come, come, come. Everybody's always in a hurry. Everybody's always in a hurry. Everybody, everybody. Souvent je rêve que vienne le temps des moments doux comme la soie vers la lenteur et les sentiments au loin. Combien d'étés reste-t-il ici-bas? Face au temps, on n'a pas le choix. Combien d'amour reste-t-il à nos bras? Prenons le temps qu'il faut. Tout se ralentit, on commence à souffler. Prenons le temps qu'il faut. Hey. We don't need to run, run, run, run, run. When the problems come, when they come, they will come. We can overcome, come, come, come, come. Hey. We don't need to run, run, run, run, run. Can be so fun, make it fun, make it fun. We can overcome, come, come, come, come. Hey. Prenons le temps qu'il faut. Tout se ralentit, on commence à souffler. Prenons le temps qu'il faut. Hey. Prenons le temps qu'il faut. Tout se ralentit, on commence à souffler. Prenons le temps qu'il faut. Hey. We don't need to run, run, run, run, run. When the problem come, when they come, then we come. C'était Tal sur Fun Radio, la suite du son Dance Floors avec Ken Jones. Que ça se passe, Don't Mind. Il y aura aussi du David Guetta, c'est le nouveau, rien que pour vous sur Fun Radio. Avant ça, on a un auditeur qui est là, c'est Mike qui vient de Namur. Et heureusement, on peut dire que Mike, eh ben, il a un cerveau. Et eh ben oui, Mike, il réfléchit de temps en temps. Moi aussi. Je vous ai posé une question dans le Dis-moi pas que c'est pas vrai. Je veux savoir d'où vient l'expression avoir de la veine. Il y a une véritable explication dedans. Peut-être que toi, Mike, tu la connais. Bonjour, Mike. Oui, bonjour Audrey, bonjour l'équipe. Ça va bien? Salut. Ça va et vous? Ah bah écoute, super, t'étais en train de faire quoi là à l'écoute de l'émission? Ah bah en fait, j'étais sur la route. T'étais sur la route? Donc, bah c'est cool. Tu vas te faire quoi? Un petit resto? Ouais. T'es en sortie? Tu vas faire quoi? Un petit resto avec ma copine, ouais. Moi, c'est mignon, tout plein. En plus d'être intelligent, il est romantique ce mec, et ça c'est beau. Et juste par gourmandise, un resto de quoi? Resto italien. Si, la pasta, la bolognaise, si. Tu fais inviter au moins. Je fais un mix de. Non, toi, c'est un mexicain qui a besoin de drogue. Bon, Mike, à ton avis, d'où elle vient cette expression avoir de la veine? En fait, c'était les chercheurs d'or, de métaux précieux et tout ça. Hein?